Chapitre 8. Le traître châtié. Le trouble de mon âme étant sans guérison, le vœu de la vengeance est un vœu légitime. Malherbe sur la mort de son fils. Si on allait faire un tour à la cabane, proposa insidieusement la crique le dimanche après vêpres, quand tous ses camarades furent réunis sous l'auvent de l'abreuvoir autour du général. Bacaillé frémit de joie, sans se douter le moins du monde qu'il était observé discrètement. Au reste, à part les quatre chefs qui avaient pris part à la promenade de la veille, nul, pas même les gibus ni Gambette, ne se doutait de l'état dans lequel se trouvait la cabane. « Faudra pas se battre aujourd'hui, » conseilla Camus. « Allons-y par la vie à Donzé. » On acquiesça à ces propositions diverses, et la petite armée, babillante, gaie et sans penser à mal, s'achemina vers la forteresse. Le braque, selon son habitude, tenait la tête. Tintin, au milieu de la colonne et sans avoir l'air de penser à rien, marchait à hauteur de Bacaillé sur qui il ne jetait même pas les yeux. À l'arrière-garde, fermant la marche et ne perdant point de vue l'accusé, venaient Lacrique et Camus, dont les blessures étaient en bonne voie de guérison. Bacaillé était visiblement agité de pensées complexes, car il ne savait rien au juste de ce qu'avaient fait les Vellerans. Qu'allait-on trouver à la cabane? Quelle gueule ferait le braque et Camus et les autres si... Il les regardait de temps à autre à la dérobée, et ses yeux pétillaient malgré lui de malice contenue, de joie réfrénée et aussi d'un léger sentiment de crainte. Et s'ils allaient se douter? Mais comment pourraient-ils savoir et surtout prouver? On avançait dans le sentier du bois, et Lacrique, penché vers le grimpeur, lui disait « Hein, Camus, tes corbeaux d'hier, tu te souviens? J'aurais jamais cru. C'est tout de même vrai que ça porte malheur quelquefois, ces bêtes-là. » « Demande voir à Bacaillé, » riposta Camus, qui par un inexplicable revirement redevenait sceptique. « Demande y voir s'il en a vu ce matin des corbeaux. Il se doute guère que nous savons et ne sait pas ce qu'il attend. Garde-le, mais regarde-le de quoi un peu ce salaud-là. Crois-tu qu'il a du toupet? Oh, il se croit bien sûr et bien tranquille. Tu sais, il faut pas le laisser échapper. Penses-tu, un bancal comme ça? Oh, mais il court bien tout de même, ce sauterait-là. » À l'autre extrémité de la colonne, on entendait Boulot qui disait « Ce que je comprends pas, c'est qu'ils reviennent encore après les tatous qu'on leur y a foutus. »« Pour moi, » répondait le braque, « ils doivent avoir une cache eux aussi. Vous avez bien vu que pour la culotte de Tintin, ils n'avaient plus de trique en sortant du bois. »« Oui, ils ont sûrement une cabane comme nous, » concluait Tigibus. Bacaillé, à cette affirmation, eut un ricanement muet qui n'échappa point à Tintin, pas plus qu'à Lacrique ni à Camus. « Eh ben, es-tu sûr maintenant ?» fit Lacrique. « Ouais, » répondit l'autre. « Oh la crapule, faudra bien qu'il avoue !» On sortait du bois, on allait arriver, on s'engageait dans les chemins creux. « Ah, nom de Dieu !» s'exclama le braque, s'arrêtant, et ainsi que c'était convenu, jouant la rage et la surprise, comme s'il eût tout ignoré. Il y eut un vacarme effroyable de cris et de bousculades pour voir plus vite, et ce fut bientôt un concert farouche de malédictions. « Bon Dieu de bon Dieu, c'est impossible ! Cochon de cochon ! Qu'est-ce qui a bien pu faire ça ? Le trésor ! Rien, plus rien !» râlait Grand Gibus. « Et notre toit, et nos sabres, notre arrosoir, nos images, le lit, la glace, la table ? Le balai ? C'est les Vellerans ! Pour sûr, qui ça serait-il ? Peut-on savoir ? » hasarda Bacaillé, pour dire quelque chose lui aussi. Tous étaient entrés derrière le chef. Seuls, Camus et Lacrique, sombres et silencieux, leur trique au poing, comme le chéroub au seuil du paradis perdu, gardaient la porte. Le braque laissa ses soldats se plaindre, se lamenter et hurler ainsi que les chiens qui sentent la mort. Lui, comme écrasé, s'assit à terre, au fond, sur les pierres qui avaient contenu le trésor, et la tête dans les mains, sembla s'abandonner à son désespoir. Personne ne songeait à sortir. On criait, on menaçait. Puis l'effervescence de cris se calma, et cette grande colère bruyante et vaine fit place à la prostration qui suit les irréparables désastres. Camus et Lacrique gardaient toujours la porte. Enfin, le braque, relevant la tête en se redressant, montra sa figure ravagée et ses traits crispés. « C'est pas possible !» rugit-il. « Clévelran ait fait ça tout seul !» Non, c'est pas possible qu'ils aient réussi à trouver notre cabane sans qu'on leur ait enseigné où elle était. C'est pas possible, on leur a dit. Il y a un traître ici !» Et son accusation proférée tomba dans le grand silence comme un coup de fouet cinglant sur un troupeau désemparé. Les yeux s'écarquillèrent et papillotèrent. Un silence plus lourd plana. « Un traître ?» reprirent en écho lointain et affaibli quelques voix, comme si c'eût été monstrueux et impossible. « Un traître, oui !» tonna de rechef le braque. « Il y a un traître, et je le connais !»« Il est ici !» glapit la crique, brandissant son épieu d'un geste exterminateur. « Regardez, vous le verrez, le traître !» reprit le braque, fixant Bacaillé de ses yeux de loup. « C'est pas vrai, c'est pas vrai !» balbutia le bancal, qui rougissait, blêmissait, verdissait, tremblait devant cette accusation muette comme toute une frondaison de bouleaux et chancelait sur ses jambes. Vous voyez bien qu'il se dénonce tout seul, le traître. Le traître, c'est Bacaillé. Là, le voyez-vous ? Judas va ! Hurla Gambette, terriblement émue, tandis que Gringibus, frémissant, lui posait la griffe sur l'épaule et le secouait comme un prunier. C'est pas vrai, c'est pas vrai ! Protestait de nouveau Bacaillé. Quand est-ce que j'aurais pu leur dire, moi ? Je les vois pas, les Vellerans, je les connais pas ? Silence, menteur ! Coupa le chef. Nous savons tout. Jeudi, la cabane était intacte. C'est vendredi qu'on l'a saquée, puisqu'hier, elle y était déjà. Allez, dites-le, ceux qui sont venus hier avec moi. Nous le jurons, firent ensemble Camus, Tintin et la Crique, levant la main droite préalablement mouillée de salive et crachant par terre, serment solennel. Et tu vas dire, canaille, où je t'étrangle, t'entends ? Tu vas avouer à qui tu l'as dit jeudi en revenant de Baume. C'est jeudi que t'as vendu tes frères. Une secouée brutale rappela à Bacaillé ahuri sa situation terrible. « C'est pas vrai, na !» continua-t-il à nier. « Et je veux m'en aller puisque c'est comme ça !»« On ne passe pas !» grogna la crique, levant son bâton. « Lâche ! Vous êtes des lâches !» riposta Bacaillé. « Canaille, gibier de bagne !» beugla Camus. « Il nous trahit, il nous fait voler et il nous insulte encore par-dessus le marché !»« Liez-le !» ordonna le braque d'un ton sec. Et, avant que la chose fût faite, il se saisit du prisonnier et le calota vigoureusement. « La crique ? » interrogea-t-il ensuite, d'un air grave. « Toi qui connais ton histoire de France, dis-nous un peu comment on s'y prenait, au bon vieux temps, pour faire avouer leurs crimes aux coupables. » « On leur roustissait les doigts de pied. » « Déchaussait le traître, alors, et allumait du feu. » Bacaillé se débattait. « Oh, tu as beau faire, » prévint le chef. « Tu n'échapperas pas. Avoueras-tu, canaille ?» Une fumée épaisse et blanche montait déjà d'un amas de mousse et de feuilles sèches. « Oui !» fit l'autre affolé. « Oui !» Et le bancal, toujours maintenu par des ficelles et des mouchoirs roulés en forme de lien, au milieu du cercle menaçant et furibond des guerriers de Longeverne, avoua par petite phrase qu'il était en effet revenu de Baume avec Boguet de Velleran et le père Dicelui, qu'il s'était arrêté chez eux, là-bas, pour boire un litre et une goutte, et qu'il avait, étant saoul, raconter sans croire mal faire où se trouvait la cabane de Longeverne. « C'est pas la peine d'essayer de nous monter le coup, tu sais !» coupa la crique. « J'ai bien vu la gueule que tu faisais en rentrant de Baume. Tu savais bien ce que tu disais. Et en venant ici tout à l'heure, nous t'avons bien vu aussi. Tu savais !»« Tout ça, c'est parce que tu bisques de ce que la ta vie aime mieux, Camus. Elle a sûrement raison de se foutre de ta gueule. Mais est-ce qu'on t'avait fait du mal après l'affaire de vendredi ? Est-ce qu'on t'a seulement empêché de revenir te battre avec nous ? Pourquoi alors que tu te venges aussi salement ? T'as pas d'excuses. « Voilà !» conclut le braque. « Serrez les nœuds, on va le juger !» Un grand silence tomba. Camus et la crique, jolis et sinistres, barraient toujours le seuil. Une houle de poings se tendait vers Bacaillé. Comprenant qu'il n'avait pas de pitié à attendre des geôliers et sentant venir l'heure des expiations suprêmes, il eut une révolte désespérée et terrible et essaya de ruer, de se débattre et de mordre. Mais Gambette et les gibus, qui avaient assumé le rôle de garde-chiourme, étaient des gars solides et râblés, et on ne le leur faisait pas comme ça, d'autant que la colère, une colère folle qui leur faisait les oreilles rouges, décuplait encore leur force. Les poignets de Bacaillé, serrés dans des étaux de fer, devinrent bleus. Ses jambes furent en un clin d'œil ligotées plus étroitement encore, et on le jeta comme un paquet de chiffons au milieu de la cabane, sous le trou du toit défoncé, du toit si solide que malgré tous leurs efforts, les Vellerans ne l'avaient pu crever qu'en un seul endroit. Le braque, en chef, parla. La cabane, dit-il, est foutue. On connaît notre cache. Tout est à refaire. Mais ça, ce n'est rien. Il y a le trésor qui a disparu. Il y a l'honneur qui est atteint. L'honneur, on le redressera. On sait ce que valent nos points, mais le trésor. Le trésor valait bien 100 sous. Bacaillé, continua-t-il gravement, tu es complice des voleurs. Tu es un voleur. Tu nous as volé 100 sous. As-tu 1 écu de 5 livres à nous rendre ? La question était de pure forme, et le braque ne l'ignorait pas. Qui est-ce qui avait jamais eu 100 sous à soi, 100 sous ignorés des parents et sur lesquels ces derniers ne pussent avoir à toute heure droit de haute main ? Personne. « J'ai 3 sous !» gémit Bacaillé. « Fous-toi les quelque part, tes 3 sous !» rugit Gambette. « Messieurs, reprit le braque, solennel, voici un traître et nous allons le juger et l'exécuter sans rémission. »« Sans haine et sans crainte !» redressa la crique, qui se remémorait des lambeaux de phrases d'instruction civique. « Il a avoué qu'il était coupable, mais il a avoué parce qu'il ne pouvait pas faire autrement et que nous connaissions son crime. Quel supplice doit-on lui faire subir ?» Le saigner ! Rugirent 10 voix. Le pendre ! Beuglèrent 10 autres. Le châtrer ! Grondèrent quelques-unes. Lui couper la langue ! On va d'abord, interrompit le chef, plus prudent et gardant inconsciemment, malgré sa colère, une plus saine idée des choses et des conséquences de leur acte. On va d'abord lui nettoyer tous ses boutons pour reconstituer un noyau de trésor et remplacer en partie celui qui nous a été volé par ses amis les Vélerans. Mes habits du dimanche ? Sursauta le prisonnier. « Je veux pas, je veux pas. Je le dirai à nos gens. » Chante toujours, mon petit, tu nous amuses. Mais tu sais, t'as qu'à recommencer à cafarder pour voir un peu. Et je te préviens que si tu brailles trop fort ici, on te la boucle, ta gueule, avec ton tire-jus, comme on a fait à la steak des gays. » Comme ces menaces ne décidaient point Bacaillé à se taire, on le bâillonna et en fit sauter tous ses boutons. « Ce n'est pas tout ça, nom de Dieu, » reprit la crique. Si on ne fait que ça un traître, c'est vraiment pas la peine. Un traître, c'est un traître, nom de Dieu, et ça n'a pas le droit de vivre. On va le fouetter, proposa Grand Gibus. Chacun son coup, puisqu'il nous a fait du mal à terre tous. On ligota de nouveau Bacaillé, nu sur les planches de la table démolie. Commencez, ordonna le braque. Un à un, la baguette de coudre à la main, les 40 longevernes défilèrent devant Bacaillé, qui, sous leurs coups, hurlaient à fendre le roc, et ils lui crachèrent sur le dos, sur les reins, sur les cuisses, sur tout le corps en signe de mépris et de dégoût. Durant ce temps, une 10aine de guerriers, sous la conduite de la crique, étaient sortis avec les habits du condamné. Ils revinrent quand finissait l'opération, et Bacaillé, débâillonné et délié, reçut au bout de longs bâtons les diverses pièces de son habillement veuf de boutons, qui avait été de plus largement compisé et abondamment souillé d'autres façons encore par les justiciers de Longeverne. « Va te faire recoudre ça par les Vélerans !» lui conseilla-t-on pour finir.